faire, elle m'apporte des problèmes. Elle fait que de me répéter que je vais finir par me faire péter. J'ai toujours préféré l'oseille. J'ai du mal à me confier, dans ma tête c'est compliqué. Elle me dit pas sans moi, moi je peux patienter. J'ai pas confiance en toi, apprends-moi à me confier. J'ai grandi dans le douteur, dans la rue, pas sur Twitter. Dans les endroits sombres, j'ai fait pas un serré buteur. Sur le terrain jusqu'à pas d'heure, je serai tout seul dans ma tombe. On a grandi dans la douleur, y'a moula dans le caleçon. Bien avant de faire du son, alors je t'annonce la couleur. Tu vas pas me faire de leçon, moi je suis un grand garçon. Ma chérie m'apporte des problèmes. Elle fait que de me répéter que je vais finir par me faire péter. J'ai toujours préféré l'oseille. J'ai du mal à me confier, dans ma tête c'est compliqué. Donne-moi ton cœur, dis-moi tout. Qui t'a fait du mal avant? Donne-moi ton cœur, dis-moi tout. Si t'es avec moi c'est mieux. Si t'es contre moi tant pis. Toute ma vie j'ai filé bleu. C'est pas une meuf qui va me rendre fils. Double big gauche, double bénéfice. Double problème, je suis trop défectif. Double big gauche, double bénéfice. Oublie pas les crampons sur le terrain, ça glisse. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi comment tu veux faire. Mais arrête de me répéter que je vais finir enfermé. Ça va me porter la poisse, tu devrais la fermer. On sort main dans la main quand l'immeuble sera cerné. Quelques contacts à Bigo et SFR. J'tourne dans le secteur avec le Mac et CKR. Jamais de nos vies, nous on s'est laissé faire. Alors laisse-moi rajouter des pleurs. Zéro, ma chérie m'apporte des problèmes. Elle fait que de me répéter que je vais finir par me faire péter. J'ai toujours préféré l'oseille. J'ai du mal à me confier, dans ma tête c'est compliqué. Donne-moi ton cœur, dis-moi tout. Qui t'a fait du mal avant? Donne-moi ton cœur, dis-moi tout. J'ai peur de la trahison. J'ai que ça dans ma tête quand je pars en mission. J'ai mis mes doutes dans ma massa. Le big fait le reste. On est que de passage, même la détente se presse. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ma chérie m'apporte des problèmes. Elle fait que de me répéter que je vais finir par me faire péter. J'ai toujours préféré l'oseille. J'ai du mal à me confier, dans ma tête c'est compliqué. Donne-moi ton cœur, dis-moi tout. Qui t'a fait du mal avant? Donne-moi.